Chapitre 4. Enlevez vos étiquettes. Donc, à votre avis, disait le préfet de police à son ami Fouinard, l'assassin est un Italien. Je reconnais que vos preuves sont frappantes, tant pour lui que pour les victimes. Je vais m'enquérir d'une infirmière qui parle cette langue et nous la mettrons auprès de l'enfant. Peut-être pourra-t-il, dès qu'il parlera, fournir des renseignements sur l'origine de ses parents. Nous attendrons peut-être bien longtemps. N'oubliez pas d'abord que l'enfant court le plus grand danger. L'assassin le guette. Ici, nous ne sommes pas tout à fait d'accord. Monsieur Charlet a fait une soigneuse enquête au sujet de la tentative qui a eu lieu à l'hôpital des enfants malades. Et il est établi de façon certaine que ce malfaiteur en voulait réellement à la caisse de l'Economa. Même les soupçons se portent sur un employé ou plutôt un homme de peine qui avait été renvoyé et qui était très au courant de l'état des lieux. Alors, comment s'est-il trompé de fenêtre? Monsieur Charlet explique cette circonstance par le fait que les fenêtres sont toutes semblables. Écoutez, monsieur le préfet, il ne m'appartient pas de débiner monsieur Charlet. Nous avons sur lui la même opinion. Excellent serviteur, mais gaffeur en diable, gaffeur de naissance, gaffeur par définition. Alors, dois-je comprendre que vous n'avez pas fait prendre les mesures que j'ai conseillées? Voyons, ne soyez pas injuste, Fouinard. Vous savez bien que je vous tiens pour notre maître à tous et que par conséquent, on vous obéit ponctuellement. Alors, le petit Giacomo? Ah, il s'appelle Giacomo. Comment le savez-vous? Je le sais. C'est encore mon perroquet qui me l'a dit. Enfin, l'enfant a été changé de chambre et placé au milieu de 20 convalescents qui sont gardés jour et nuit par 4 infirmières. Cette pièce n'a aucune communication avec le dehors. De plus, des recommandations formelles ont été faites. J'ai engagé la responsabilité du directeur qui a beaucoup à se faire pardonner parce qu'il a rendu l'administration ridicule. Il tient sa place, vous pouvez être tranquille. N'importe, je ne serai tranquille que plus tard. En attendant, il faut agir. Italiens, les uns et les autres, cela me paraît acquis, mais l'Italie est grande. Et il y a à Paris, interrompit le préfet, des milliers d'Italiens qui travaillent. Terrassiers, fumistes, praticiens, compléta Fouinard. Eh bien, si vous le voulez bien, nous pouvons avant longtemps être fixés sur les détails principaux qui nous intéressent. Comment cela? Seriez-vous vraiment curieux de connaître le mot de l'énigme? En doutez-vous? Pouvez-vous disposer de 2 heures? Oui. Alors voulez-vous venir avec moi dans la maison du boulevard Bourdon? On y a fait toutes les recherches imaginables. Ah, monsieur le préfet, si nous discutons toujours, j'y vais tout seul. Quel homme! Fit le préfet en riant. Il faut toujours vous céder. Si je vous ai dérangé pour rien, vous me traiterez d'imbécile, et je ne me rebifferai pas. Cela vous va-t-il? Sans accepter l'enjeu, je suis votre homme. Allons. Voulez-vous, dit Toto, envoyer un express porter un billet à ma petite Susan? Une idée qui vient de me venir. Le billet fut écrit et parti. Quelques minutes après, l'auto du préfet emportait les 2 hommes vers le boulevard Bourdon. Ils avaient pris les clés, déposées à la sûreté. Le boulevard était presque désert. Cependant, dès que l'auto stationna devant la maison tragique, des curieux semblèrent sortir de dessous terre. M. Larose et son compagnon furent bien vite reconnus. « Vive Fouinard !» cria quelqu'un. Ils entrèrent vivement. « Cela ne nous inquiète pas que l'on vous ait reconnu ?» demanda le préfet à Toto. « L'assassin peut chercher à vous faire un mauvais parti. »« Ce sont les risques du métier, » fit Fouinard en riant. « Qui sait si je ne compte pas là-dessus ?» La porte soigneusement refermée, ils ouvrirent les volets. La lumière entra à flot. Le loyer était payé d'avance. Le propriétaire n'avait pu encore disposer du local, se contentant de le mettre à louer pour le prochain terme. La salle à manger, où l'effroyable crime avait été commis, était restée dans le même état. Seulement, la vaisselle, les verres, les couverts avaient été posés en tas sur le buffet. Remarquez-vous quelques détails intéressants et qui aient échappé aux précédentes recherches? Non, rien, fit Fouinard dont les yeux s'émerillonnaient. Mais ce n'est là qu'un coup d'œil d'ensemble. Montons. Au-dessus, on s'en souvient, c'était la chambre à coucher. Rien n'y avait été dérangé. C'était du reste l'intérieur le plus simple et le moins encombré qu'il se pût imaginer. Rien au mur. Dans les tiroirs de la commode, du linge presque neuf, qui avait évidemment été acheté à Paris. Rien ne semblait trahir l'origine de ces malheureux. Peut-être même remarquait-on un soin spécial de ne laisser aucune trace visible d'un passé qu'on tenait à dissimuler. « Eh bien, mon brave Fouinard, dit le préfet, je crois que nous faisons buisson creux. »« Ouais, dit Fouinard. Il n'y a rien ici qui puisse fournir la moindre indication. Pour une raison difficile à déterminer, ces malheureux semblaient avoir pris la tâche de décourager les chercheurs. « Ouais, » fit encore Fouinard. Tout à coup, il s'élança, passa derrière le lit, se pencha et s'étant relevé, revint vers le préfet en traînant une malle, un coffre en bois, garni de poils de chèvre, comme on n'en voit plus dans les provinces les plus éloignées. Il l'adressa. Elle était vide. Sur le côté se trouvait une étiquette avec ce mot « Marseille » très clairement imprimé. « Un dernier espoir qui vous échappe, » fit le préfet. « Toute l'Italie passe par Marseille. » Fouinard regarda M. Larose de son œil malin. « N'ajoutez pas un mot, monsieur le préfet, vous le regretteriez. »« Voyons, sincèrement, est-ce que vous avez encore quelque espoir ?»« Je te crois, » fit Toto très irrévérencieusement. « Voulez-vous me donner 3 minutes ? Je vais à la cuisine. » Il dégringola l'escalier et remonta, tenant à la main une petite terrine jaune et pleine d'eau, dans laquelle nageait un morceau d'éponge. Il prit l'éponge mouillée, la pressa pour en faire sortir le trop-plein d'eau, et le dos tourné au préfet, il s'approcha de la malle. « Monsieur Larose, » dit-il de sa voix gouailleuse, « vous n'ignorez pas que les prescriptions et règlements et avis divers sont faits pour n'être pas respectés. » « En effet. » « Mais que diable faites-vous donc ?»« Monsieur Larose, savez-vous ce que les compagnies de chemin de fer recommandent aux voyageurs ?»« Dites. » « D'enlever les étiquettes de leur malle pour qu'il n'y ait pas erreur de direction. » « En effet. » « Et cela se fait rarement. » Et les employés, malins, pour suppléer au manque de soins et à la sottise insouciante des voyageurs, collent. « Venez voir, monsieur le préfet, collent les nouvelles étiquettes sur les anciennes. »« Oui, je comprends, » fit le préfet, qui commençait à deviner l'idée de Fouinard. Et ainsi, il colle l'étiquette de Marseille sur celle que portait la malle. L'étiquette que vous pouvez voir, monsieur le préfet, et que je vous prie de vouloir bien lire à haute et intelligible voix. Pietra de Verde. Pietra de Verde, en Corse, monsieur le préfet, arrondissement de Corte. Comprenez-vous maintenant pourquoi Prouveau, l'italien, parlait si bien français?